DJ Gutta Mixtapes. Mais merde, mec, toi tu veux de la Côte d'Azur. Normalement, tu déboules avec des belles voitures, des belles femmes, un bloc de thunes, un bon sang qui bouge. Et je te jure, tu vas te gaver. Crois-moi, mon pote. T'es prêt? Allez. Pas besoin de gros billets, bouteilles, champagne. Yes. On n'achète pas un soldat dans l'âme. J'suis pas le plouc ou l'épouvantail. Ouais. Des clubs, des bains ou des grands palaces. Qu'attire touristes et gros rapaces. Ou du ghetto qu'attire la flicaille. Les centres-villes, merde, c'est la bagaille. Cherche-moi de l'autre côté de la carte postale. Yes. Bord de mer, pote, ambiance spéciale. Ou semaine au ski là-haut dans les Alpes. Yeah. Des fachos, des injures raciales. Bouffeur d'infos d'envoyé spécial. J'apporte la classe sur du commercial. Tu veux danser, alors lève tes bras. Fla fla fla fla fla fla fla fla. Appelle-moi le DJ West soldat. Ha ha ha ha ha ha ha. Laisse les bouffons qui critiquent, qui parlent. Je sais ce que c'est, femme et grosse mitraille. Qui vivent ma vie, c'est une vraie punchline. 4 milliards d'ennemis qui cherchent l'emboucan. Dédicace, valo, anti-miscan. Alors mon pote, qu'est-ce t'en penses? Tu veux que je déboule en quoi? Avec une Rolls Royce, avec un gros moteur de Lamborghini accompagné d'une créature de rêve. Moitié blonde, moitié brune, avec des mèches rousses, des beaux yeux violets et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros billets violets sur sa grosse poitrine. Alors qu'est-ce t'en penses? Personne l'a fait, et là peut-être je vais me gaver. Allez, dis-moi, quand tu vas? Na ha ha ha ha ha ha ha ha.